Big up à soi Amanda Dépôt, qui rêve de faire une vendetta. Ça veut sortir du ghetto, avoir les vues à David Guetta. XADV, AGV, y'a des sous à faire à JV. J'en fais des crédits, t'as chiffré. Tu l'as insulté, elle t'a giflé. Ça va à la gratte, ça se fait courser. Y'a des gadiots qui se font crosser. Civil en jean, manche retroussée. Tu peux finir sous écrou sec. Grosse connaissance, un œuf record. Dans les platines, tu n'es pas. J'ai pas changé, j'suis la rue. Comme lundi du 9-3. Qu'on s'amuse, t'es max, on en dirait chez toi. Y'a des choses qu'on achète, et des choses